rock'n'roll c'est ma sale gueule. J'habite tout au fond du ghetto. Les soirs de pluie, je me sens seul. Je dégueule mon spleen dans le caniveau. J'ai pas d'amour, j'ai pas d'amis. Je pose mon cul sur le trottoir. Je chante jusqu'au bout de la nuit. Quand je me couche, je bois du noir. Tu viens chérie, j'ai répondu, il est trop tard. Je ne suis qu'un chien, j'ai pas envie. La fille se casse, moi j'ai le cafard. 6 heures du mat sur le cadran, je m'enfonce dans ma solitude. Je suis un con, je joue perdant. Ma tristesse c'est une habitude. Se défouler, ma tête éclate contre le mur. Sur le pavé, je suis couché, mon cœur qui bat, pourvu que ça dure. Les flics se cassent, il est 8 heures, je suis debout, le soleil se lève. Je vais me la jouer en cas de malheur, mon rock'n'roll, c'est marche ou crève. Rock'n'roll, c'est ma sale gueule. J'habite tout au fond du ghetto. Les soirs de pluie, je me sens seul. Je dégueule mon spleen dans le caniveau. Les flics se cassent, il est 8 heures. Je suis debout, le soleil se lève. Je vais me la jouer en cas de malheur. Mon rock'n'roll, c'est marche ou crève.